Chapitre 8. Luynes. Alors qu'un soir Marie vint dans la chambre de Louis pour lui lire un conte, ce dernier se permit de l'interrompre, afin de lui poser une question des plus importantes et cruciales à ses yeux. Cette dernière fut surprise par la franchise et la curiosité de l'enfant vis-à-vis des activités de son mari. Louis. Merci pour votre lecture. Au fait, Marie, pouvez-vous me dire pourquoi Paul s'occupe de l'immense antenne à proximité de votre ferme ? Marie. Tu sais, Louis, les temps sont difficiles, et en tant que paysans, nous ne gagnions pas bien notre vie. C'est pour cela que Paul est devenu, en plus de ses activités d'agriculteur, un gardien des ondes. Il est payé par l'État belge pour cette activité complémentaire. C'est quoi, un gardien des ondes ? Eh bien, cela veut dire qu'il s'occupe de la surveillance et de l'entretien de cette grande antenne qui permet surtout de capter des émissions de radio, de la musique, et ainsi de distraire les gens. Les ondes sont ainsi diffusées sur une partie de la Belgique, jusqu'en France. Ah, comme chez moi à Tourcoing, où avec mes parents nous écoutions du jazz, du bebop, du swing ou tout simplement des chansons d'amour. Oui, c'est cela, mon petit Louis. Mais pourquoi alors une si grande antenne, une simple radio suffit pour écouter des émissions ? Oh, je ne suis pas une spécialiste des ondes radio, mais je suppose que c'est une question de puissance. Ah oui, plus c'est haut, plus c'est puissant. C'est cela. Derrière ses airs d'enfant naïf, Louis avait la certitude que Marie ne lui disait pas toute la vérité et qu'elle aussi mentait. Pourquoi une si grande antenne pour capter de simples émissions de radio ou les diffuser dans le secteur ? La réponse de Marie ne tenait pas debout. Louis. Mais, Marie, pourquoi Paul ne veut pas que je l'accompagne pour visiter le local technique de cette antenne ? Moi, la technologie, ça m'intéresse, pour apprendre des nouvelles choses. Je ne connaissais pas ce métier de gardien des ondes. Si Paul fait cela, c'est pour ton bien, car là-bas, c'est rempli de câbles électriques qui peuvent être dangereux pour toi. Ah oui, j'ai compris. Louis se demanda alors pourquoi Marie ne pouvait pas accompagner Paul dans ses activités. La réponse de Marie était de nouveau une manière de noyer le poisson et de ne pas lui dire toute la vérité. Elle le prenait assurément pour un imbécile. Merci, Marie, pour toutes vos explications. Je vous le promets, je n'embêterai plus Paul avec toutes mes questions. J'ai obtenu de votre part les réponses que je souhaitais. Pas de problème, mon petit Louis. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Dans son lit, Louis ressassa une grande partie de la nuit et comprit très vite que derrière son activité complémentaire de surveillant d'antenne appelé gardien des ondes, Paul était sûrement rattaché à un réseau de résistance. Cette activité secrète n'était certainement pas connue de son épouse Marie, qui, comme Louis, ne pouvait curieusement pas accéder au local technique. L'enfant avait compris que cette immense antenne que Paul gardait scrupuleusement n'était pas conçue uniquement pour capter les messages de la résistance, car un quelconque poste TSF suffisait. En effet, à Tourcoing, Claire, sa maman, utilisait simplement son gros poste à Galène situé dans sa chambre. L'immense antenne de Paul était très certainement un émetteur de messages, comme une sorte de station radio. Du reste, Marie avait bien évoqué la diffusion musicale en provenance de ce type de matériel. Paul devait certainement utiliser cet immense outil technologique pour en détourner son usage et transmettre secrètement des messages à des réseaux de partisans de la région wallonne. Louis s'était juré de pouvoir un jour accéder à ce local afin d'en avoir le cœur net. C'était devenu son seul et ultime objectif. Vers la fin du mois d'octobre 1942, alors que Louis gambadait dans les sous-bois à 1 kilomètre de la ferme, à la recherche de pleurotes pour les succulentes omelettes de Marie, il rencontra à la croisée d'un chemin une jeune fille qui fut aussi surprise que lui de sa présence dans ce lieu isolé. Louis. Bonjour, que fais-tu ici dans les bois ? Tu sais, c'est dangereux de se promener seul. Il y a parfois des patrouilles allemandes qui peuvent tirer au moindre bruit entendu. La jeune fille. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 13 ans. Je suis partie chercher du lait à la ferme voisine. Et toi ? Moi, c'est Louis, et j'ai 11 ans. Je recherche des champignons qu'on appelle pleurotes pour Marie. Je veux dire, pour ma grand-mère. Fais attention. Certains champignons peuvent être dangereux. Tu peux en mourir. Oui, je le sais. Mon grand-père Paul m'a appris à ne cueillir que des pleurotes. De toute manière, à mon retour, Je leur montre mon panier et ce sont eux qui font le tri. Je pense les connaître, tes grands-parents. Ce ne sont pas Paul et Marie Van Aldervelt qui habitent la ferme d'en haut, comme on la nomme ici. Oui, c'est cela. Ils sont si gentils. Il y a longtemps que je ne les ai pas vus. Quand ils me croisaient au marché avec ma mère avant la guerre, alors que j'étais toute petite, ils m'offraient des bonbons et du chocolat sur l'étal du confiseur. Ah, tu les connais bien. Oui, ils sont très généreux. Surtout ton papy Paul. C'est dommage qu'il ne voit que d'un œil et qu'il boite de la jambe gauche à cause de la guerre 14-18. Louis fut soudainement surpris par cette remarque et se reprit aussitôt devant la jeune fille. Oui, c'est dommage. La jeune fille, pressée de rentrer le plus vite possible chez son père, afin de ne pas l'inquiéter, promit à Louis de le revoir très prochainement pour faire plus ample connaissance. Elle lui proposa un rendez-vous au même endroit, le même jour, à la même heure, la semaine suivante. Clémence fit une dernière remarque. « Au fait, Louis, Paul et Marie Van Aldervelt n'ont qu'une fille, qui se nomme Hélène. Je sais qu'elle est religieuse. C'est curieux. C'est elle ta maman ?» Louis se sentait piégé par cette question embarrassante. Il savait qu'une nonne qui n'était pas mariée ne pouvait logiquement pas avoir d'enfant. Aussitôt, il répondit à Clémence par un mensonge. « Mais non, Hélène, qui est religieuse à Roubaix, est ma tante, c'est-à-dire la sœur de ma maman, Claire. »« Ah, je comprends. Je ne savais pas que Paul et Marie avaient une deuxième fille. »« Oui, une fille beaucoup plus jeune qu'Hélène et qui habite à Paris. »« Ah, c'est chouette. Donc tu es un Parisien. » « Oui, un petit Parisien en vacances chez ses grands-parents. » Louis était à la fois très intimidé par Clémence, surpris par sa finesse d'esprit, et surtout ravi d'être retombé sur une charmante jeune fille en pleine forêt. Lui qui commençait à s'ennuyer, il avait enfin trouvé une copine avec qui partager ses secrets et surtout ses jeux d'enfant en pleine nature. Mais il devait tout de même rester prudent pour sa sécurité et ne pas trop parler de sa situation d'expatrié. En rentrant à la ferme, son esprit fut troublé, non seulement par la présence de la jolie Clémence, mais aussi par sa dernière remarque concernant celui qu'il considérait maintenant comme son grand-père, c'est-à-dire Paul. L'adolescente s'était certainement trompée de personne durant sa description. Elle devait confondre Paul Van Aldervelt avec quelqu'un d'autre. Ce dernier n'avait pas perdu d'œil durant la dernière guerre mondiale et ne boitait pas, car Louis le voyait souvent courir après ses vaches égarées dans la prairie du voisin. De même, il n'avait pas d'œil de verre ou de bandeau signifiant qu'il était borgne. Cette description de Clémence était des plus bizarres. Louis avait donc de nouveau une seconde énigme à résoudre après celle du local technique. Il avait l'impression qu'une mystérieuse zone d'ombre couvrait de plus en plus l'identité et le rôle exact de Paul Van Aldervelt, celui qu'il appelait tendrement son « papy cigare ». En rentrant à la ferme, chargé d'un panier rempli de magnifiques pleurotes, Louis fut discret et ne parla surtout pas à Paul et Marie de sa rencontre avec la jeune Clémence dans les bois. Il devait absolument tenir sa langue et résoudre cette énigme en lui demandant de passer à la ferme dans les prochaines semaines afin qu'elle puisse les revoir. Clémence était la seule personne pouvant les reconnaître formellement, elle qui ne les avait pas revus depuis sa plus tendre enfance. Louis voulait surtout tester leur réaction en présence de Clémence. Mais avant toute chose, il devait procéder par étapes, comme un vrai soldat préparant une opération commando. Il repensa aux manœuvres quasi-militaires de Prosper le passeur et surtout à Michel Denecker, qui l'avait aidé à fuir en Belgique. Ce dernier, tout comme ses parents, lui manquait tant. Sa première mission stratégique était de pouvoir accéder au local technique de l'immense antenne radio en profitant d'un moment d'absence de Paul à la ferme, et surtout de l'inattention de Marie qui, toute la journée, était souvent plongée dans ses tâches ménagères ou ses réalisations au tricot. La seconde mission de Louis était de fouiller en pleine nuit, durant leur sommeil, les manteaux de Paul et Marie, afin de vérifier leurs papiers et surtout leurs photos d'identité. En effet, ces détails physiques décrits par Clémence concernant Paul venaient de plus en plus semer le doute dans l'esprit du jeune garçon. En ce début novembre 1942, Louis avait appris que Paul devait se rendre aux alentours de Courtrai en Flandre, à 13 kilomètres de la ferme, afin de vendre quelques porcs aux abattoirs. Habituellement, il passait sa journée dans cette commune pour visiter la foire aux bestiaux qui permettait d'accroître son cheptel de vaches laitières. Cela lui donnait surtout l'occasion de ne pas rentrer à vide avec son camion bétaillère. Paul était obsédé par les bénéfices de son exploitation agricole qui commençait à ne plus être vraiment rentable en ces temps difficiles. Cette absence momentanée de Paul à la ferme était le moment idéal qu'avait choisi Louis pour accéder au local technique de l'antenne radio. Il avait exactement 4 heures devant lui pour fouiller proprement et en toute discrétion cet espace exigu, à l'instar d'un espion anglais. À défaut de disposer d'un appareil photo, il devait rapidement prendre des notes manuscrites sur le moindre indice trouvé sur place. Ce lundi 2 novembre 1942, juste après la Toussaint, ce fut le jour J choisi par Louis, mais surtout le jour des défunts, qui renvoyait l'image d'une journée triste et pluvieuse après les premières gelées matinales. Levé vers 6 heures du matin, Paul déjeuna rapidement en ingurgitant une rasade de café bouillant avant d'enfiler sa grosse veste de velours côtelé. Il enroula sommairement autour du cou une écharpe de laine et se dirigea vers un hangar de tôle rouillée dans lequel était garé son camion à bestiaux. Le véhicule comportait une plateforme arrière où, sur 3 étages, de pauvres cochons totalement inconscients de leur triste sort attendaient d'être véhiculés vers Courtrai comme des condamnés à mort. À 6h50, le camion démarra, tandis que Marie était déjà affairée à glaner les dernières pommes de terre de la saison dans les champs voisins. Enfin seul à la ferme, Louis sortit rapidement de sa chambre et se dirigea vers le gros buffet de style Louis XIII qui trônait au centre de la salle à manger. C'est dans un des tiroirs que Paul Van Aldervelt cachait sous une pile de dossiers administratifs un trousseau de clés, et particulièrement celle du local technique de l'antenne. Totalement stressé, le cœur battant la chamade, Louis se dépêcha à les subtiliser et remarqua que Paul avait oublié ses papiers d'identité sur le marbre de cet imposant meuble. Louis prenait des risques inouïs car ce dernier pouvait revenir à tout moment afin de les récupérer. C'était enfin le bon moment pour qu'il puisse vérifier les dires de sa jeune copine Clémence. Il ouvrit la première page de ce qui ressemblait plus à un passeport qu'à une carte d'identité. Il s'agissait précisément d'un ancien livret militaire belge, daté du 16 juin 1915, en provenance de la caserne d'Ypres. Il était bien indiqué le nom de Paul Van Aldervelt, à peine âgé de 18 ans, et son incorporation pour l'armée de terre dans le service des transmissions sur le front flamand. Même si sur ce cliché, Paul était méconnaissable par rapport à son physique actuel, on distinguait bien son regard pétillant et plein de vie, sans aucun stigmate de la guerre. La photographie de Paul en uniforme montrait surtout le visage d'un jeune homme triste et impassible. Il n'était pas borgne, comme Clémence le déclarait, et n'avait certainement pas été blessé à la jambe. Il est possible que Paul ait été estropié beaucoup plus tard par un tir d'obus dans les tranchées, et donc bien après le tirage de cette photographie d'identité prise certainement au début de la Première Guerre mondiale. Louis savait que ce document militaire trop ancien ne lui apporterait aucune réponse claire et précise. Il remit ce livret à sa place et regarda autour de lui s'il n'était pas surveillé à distance. C'était enfin le moment ultime et crucial de sa mission. D'un seul coup, tel un lièvre, il courut tête baissée vers l'immense antenne qui se trouvait au fond d'un champ récemment labouré. Ce monument de métal était ceinturé de 2 rangées de hauts grillages coiffés de fils barbelés. Seul un étroit portail fermé à clé permettait d'accéder à une enceinte intérieure où était niché le local technique. En s'approchant de ce lieu des plus inquiétants, on pouvait entendre un grésillement électrique continu, signe de la présence des lignes haute tension évoquées par Marie. Louis avait du mal à insérer la longue clé dans l'étroite serrure de la porte blindée qui fermait cette pièce des plus secrètes. Après quelques secondes à trifouiller le loquet de sûreté, la porte s'ouvrit comme par miracle. Devant lui, dans une minuscule pièce sombre, se trouvait un grand tableau de commande couvert de boutons lumineux, d'interrupteurs et de potentiomètres, entourant un unique fauteuil de cuir. Sur une petite table latérale, un casque audio et un gros micro métallique de speaker permettaient certainement d'émettre ou d'écouter des messages de toutes parts. C'était bien là que tous les soirs, Paul Van Aldervelt devait s'installer, afin d'entendre les fréquences émises par Radio Londres ou quelques antennes émettrices des réseaux de résistance installés dans la région. Louis resta à distance de cet appareillage technique des plus complexes, qui d'un seul coup lui fit peur. Il s'approcha lentement de la petite table de bois sur laquelle étaient posés le micro et le casque. D'une main tremblante, il ouvrit l'unique tiroir de ce vétuste meuble et découvrit un gros carnet à la couverture rouge qu'il s'empressa de consulter page par page. Il ne pouvait le subtiliser au risque de passer pour un petit voleur, mais devait absolument le consulter attentivement sans que Paul s'en aperçoive. Tout devait scrupuleusement être remis à sa place. Louis ne devait laisser aucun indice de son passage dans ce lieu interdit. Ce document était un épais relevé de notes, dont les pages étaient couvertes d'inscriptions manuscrites, parfois illisibles, classées en trois parties. La première, sous la dénomination « démission », était un listing d'une centaine de phrases étranges et des plus énigmatiques, parfois absurdes ou naïves, que Louis ne comprenait pas. La seconde, sous la dénomination de « réception », était également une liste interminable de messages des plus hermétiques et secrets qui couvraient les quelques pages jaunies de ce vieux carnet. La troisième partie de ce document était plus lisible, puisqu'il s'agissait d'une liste importante de prénoms et de noms de famille indiquant des adresses précises, tant en France qu'en Belgique. De plus, les dernières pages de ce carnet étaient remplies de suites de chiffres incompréhensibles. Pour Louis, ce calepin était une énigme qu'il fallait absolument résoudre afin de connaître exactement le rôle de Paul dans un éventuel réseau de résistance. Il avait le sentiment profond d'avoir percé le mystère de cet obscur personnage qu'était Paul Van Aldervelt. D'un seul coup, il se sentait fier d'être l'hôte d'un grand partisan de l'armée des ombres, un héros anonyme luttant contre l'ennemi nazi. Louis prit tout son temps pour lire l'une après l'autre les pages du carnet de Paul, qui devait certainement détenir de nombreux secrets liés à la résistance et à d'obscurs réseaux. Il eut une sorte de vertige à l'idée d'avoir entre ses mains un document d'une grande importance historique dans cette guerre secrète des ondes. Toutefois, il eut tout de même des doutes, en se rappelant des propos de sa copine Clémence, qui le décrivait comme un homme meurtri physiquement par la guerre des tranchées de 14. Il fallait absolument que celle-ci puisse le revoir à distance, afin de confirmer s'il s'agissait bien de Paul Van Aldervelt, le fermier et gardien des ondes. Louis se replongea de nouveau dans l'ensemble de ses annotations manuscrites et remarqua de suite dans les trois parties du document des messages, noms et adresses entourés d'une marque rouge. Il sortit de sa poche une feuille de papier afin de les recopier le plus rapidement possible à la plume, comme les phrases et exercices inscrits sur le grand tableau noir qu'il s'évertuait consciencieusement à reproduire en classe lorsqu'il fréquentait encore son école primaire bien avant la guerre. À tout moment, Marie ou Paul pouvaient surgir et le surprendre en pleine visite du local technique de cette antenne. Il s'imaginait déjà la réaction violente de Paul face à un enfant en train de fouiller ses affaires, scrutant attentivement des registres qui ne le concernaient aucunement. Louis était devenu malgré lui l'espion d'un territoire inconnu qui le fascinait au quotidien, à force de voir chaque jour devant lui ce monstre de métal se dressant sur cette colline dénudée. La tentation était trop grande pour rester impassible face à ce monument d'acier, et surtout au comportement des plus curieux de Paul Van Aldervelt, qui tous les lundis soirs recevait la visite de deux étranges personnages, affublés de longs manteaux de cuir, qui avaient l'air de récupérer une pile de documents épars. Après une brève discussion, ces derniers rangeaient cette paperasse dans une petite valise et repartaient lentement à pied dans la campagne afin de rejoindre une traction avant garée au milieu du chemin boueux qui menait à la ferme. C'était devenu un curieux rendez-vous hebdomadaire, une sorte de discret rituel. Après 20 minutes à noter uniquement les messages soulignés d'une marque rouge, Louis fut surpris de pouvoir reconnaître soudainement des noms qui lui étaient familiers. Dans la partie contact de ce carnet, il reconnut immédiatement en tête de liste, parmi les centaines de noms inscrits à la plume, celui de Michel Denecker, son protecteur qu'il affectionnait tant, et Kurt Kohls, dont le nom était accompagné d'une succession de chiffres. Ces derniers devaient certainement être des numéros de téléphone. C'était bien chez ses parents à Tourcoing que Louis avait entendu parler, pour la première fois, du redoutable Kurt Kohls, par Justine Denecker, C'est bien lui qui avait tenté de les arrêter, mais en vain, grâce à elle. Du reste, Justine avait payé de sa vie en se sacrifiant pour eux, et Louis n'oublierait jamais cet acte de bravoure. Dans cette liste, il y avait également une certaine Marie-Gérard Verbrugge, dont Louis n'avait jamais entendu parler. Il reconnut immédiatement les noms de Justine Denecker, d'Hélène Van Aldervelt, dite Sœur Rose, la propre fille de Paul, de Prosper Roselard, le passeur, et curieusement de ses chers parents, Claire et Hubert Delbar, ses résistants en fuite. À la vue de leurs noms, il ressentit un grand frisson dans le dos et éprouva soudainement une profonde tristesse. Les reverrait-il un jour ? Devant ces annotations, Louis resta pensif un certain laps de temps, dans une attitude empreinte d'une profonde mélancolie. Il se rendit compte que cette liste comportait non seulement des noms de personnes liées à des réseaux de résistance, mais également d'individus douteux comme Coles, travaillant directement au sein de la Gestapo. Pourquoi cet amalgame ? Il y avait aussi des noms de personnes actives au sein des services de la Gestapo, que des personnes arrêtées ou tout simplement recherchées comme ses parents. Ce carnet totalement illogique était un sacré foutoir aux yeux de Louis. Tout cela devenait incompréhensible. Toutes ces informations qu'il venait de noter dans son petit carnet ne lui délivreraient certainement aucune réponse précise sur le rôle exact que Paul Van Aldervelt, le gardien des ondes, jouait au sein des réseaux de résistance. Louis commença à se poser des tas de questions. Pourquoi toutes ces listes interminables de messages étranges ? Pourquoi tous ces noms mélangés, associant des résistants, des collabos ou des nazis ? De plus, pourquoi le nom de Michel Denecker était-il en tête de liste, comme contact et associé à celui de Kurt Coles et d'une certaine Marie-Gérard Verbrugge ? Pourquoi Paul Van Aldervelt donnait-il tant d'importance à ce petit cheminot en inscrivant son nom en tête de liste ? Quel était vraiment le rôle de Michel au sein de la résistance ? Qui était cette mystérieuse femme du nom de Marie-Gérard Verbrugge ? Quelle relation avait-elle avec Coles ou Michel Denecker ? Tout s'embrouillait dans l'esprit de l'enfant. Au pied de son antenne, Paul Van Aldervelt devait certainement être à la tête du plus gros réseau de résistance existant entre la France et la Belgique, se disait Louis. Comme on le criait haut et fort dans le milieu des partisans, il s'agissait certainement d'un gros poisson. Après plus d'une heure à noter cette multitude de noms surlignés en rouge, Louis remit au fond du tiroir et dans la même position le lourd carnet de notes de Paul, qui pouvait débarquer à tout moment au sein de la ferme avec son camion à bestiaux. Il sortit discrètement du local technique et ferma minutieusement la lourde porte qui empêchait tout visiteur indésirable de pouvoir y accéder. La dernière mission de Louis, certainement la plus scabreuse, était de traverser rapidement le champ boueux sans être vu par Marie, la femme de Paul, qui était certainement dans les parages. Louis prit ses jambes à son cou et arriva tout essoufflé au milieu de la cour de la ferme, effrayant les quelques dindons présents qui se réfugièrent dans une étable voisine. Marie sortit aussitôt de la bâtisse et interpella Louis. « Mais où étais-tu, Louis ? Je te cherchais depuis plus d'une demi-heure, afin que tu puisses m'aider à traire les vaches. » « Oh, excuse-moi, Marie, je jouais tout simplement derrière les bosquets, près du pigeonnier de Paul. Tu as l'air essoufflé et tout en sueur. Oui, je m'entraînais à courir le plus vite possible à 100 mètres, comme Jesse Owens, l'athlète américain et champion du monde. C'est bien, Louis, d'avoir des ambitions comme ce grand sportif. Oui, Owens est un exemple pour moi et je veux l'imiter. Les valeurs du sport ne peuvent que te faire du bien, mon petit Louis. Par contre, tu as vu l'état de tes nouvelles chaussures pleines de boue ? Où as-tu encore mis les pieds ? Ne me dis pas que tu as traversé la campagne avec tes godasses en pataugeant dans la gadoue. » Louis avait su ruser avec Marie qui n'y vit que du feu. Il fallait tout de même remettre la clé dans le tiroir du bahut avant qu'elle ne s'aperçoive assez vite que Louis lui mentait et racontait des bobards. Pendant que Marie traversa la cour pour rejoindre ses bêtes, Louis eut le temps de remettre précautionneusement le trousseau de clés du local technique à sa place. Sa mission de jeune agent de renseignement pour un réseau imaginaire était enfin terminée. Maintenant, il fallait exploiter toutes les informations qu'il avait glanées au cœur du carnet de Paul pour savoir toute la vérité sur ce personnage des plus ambigus. Une seule personne pouvait peut-être l'aider dans cette tâche délicate. Il devait absolument avoir l'avis de Clémence, sa nouvelle amie. Sans vraiment la connaître, Louis lui faisait entièrement confiance. D'ailleurs, le lendemain matin, celle-ci lui avait fixé un rendez-vous dans les bois proches de la ferme, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ce mardi 3 novembre 1942, le temps était glacial et la température avait soudainement chuté pour atteindre les moins 2 degrés Celsius. Louis avait tout de même décidé de braver le froid en se couvrant chaudement, afin de partir à la rencontre de Clémence. Il avait trouvé un nouveau prétexte, en déclarant à Marie qu'il passerait la matinée à la recherche de bois de chauffage. Dans les clairières, la gelée matinale avait formé des nappes de glace sur les flaques boueuses. Louis avançait à petits pas, s'amusant à craquer ses surfaces solides et givrées sous son poids-plume. Il avait emmené avec lui les notes prises lors de la visite du local technique de l'antenne, pour les montrer à Clémence. Louis n'avait plus aucun recul vis-à-vis de ses propres écrits. La confusion la plus totale envahissait son esprit d'enfant de 11 ans. Seule la jeune fille pouvait lui donner un avis objectif sur ses documents des plus troublants. Arrivé au point de rendez-vous, Louis attendit un quart d'heure dans le froid avant de voir poindre, au bout du chemin forestier, la silhouette de Clémence, qui était emmitouflée comme le petit chaperon rouge, vêtue d'une cape couleur carmin qui ressemblait à celle d'un cardinal. En effet, la jeune fille avait le visage dissimulé par une profonde capuche qui masquait son habituel sourire. Elle s'approcha de Louis, qui fut intimidé par sa soudaine présence. « Bonjour, Louis. Quoi de neuf ?»« Ah, Clémence, j'ai tant de choses à te dire depuis la semaine dernière !» La jeune Clémence retira sa capuche, dévoilant ainsi sa longue chevelure blonde surmontée d'un bonnet à pompons. Elle esquissa un large sourire qui plongea aussitôt Louis dans un climat de confiance et de sérénité. « Dis-moi, Louis, qu'as-tu à me dire de si important ? Je sens que tu me caches beaucoup de choses. » « Eh bien, Clémence, figure-toi que la semaine dernière, tes propos concernant mon grand-père Paul m'ont profondément troublé. » « Ah bon ? Qu'est-ce qui t'a troublé ? » « C'est tout simplement la représentation physique de mon grand-père, que tu décris comme une personne invalide. Il est vrai que tu ne l'as pas revu depuis tant d'années. Finalement, tu ne le connais qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance. Curieusement, cette description ne correspond pas à son physique actuel. » « Oui, ce que tu me dis là est étrange. Le mieux, c'est que tu puisses le revoir. » « Mais si ce n'est pas Paul, ton grand-père, de qui s'agit-il exactement ? J'ai l'impression, Louis, que tu ne me dis pas tout. » Louis se mit à rougir devant Clémence, qui commençait à douter de sa bonne foi. Ce dernier se mit à bégayer. « Eh bien, Clémence, oui, la dernière fois, je t'ai menti. » « Je tiens sincèrement à m'excuser, mais je me méfie de tout le monde en ce moment, car je risque ma vie à chaque instant. On pourrait me dénoncer aux autorités belges. Je vais tout te raconter en détail. Paul Van Adervelt n'est pas mon grand-père, et Hélène, sa fille, n'est pas ma tante. Je suis tout simplement hébergée chez Paul et Marie, qui, en leur qualité de résistants, me planquent chez eux à la ferme. « Tu n'es donc pas un petit Parisien en vacances chez ton papy ?» Et non, Clémence. J'habite en France, à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de Tourcoing. Mes parents sont en fuite et activement recherchés par les Allemands. Ah bon, ils sont juifs ? Mais non, Clémence, ce sont des chefs de la résistance. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu te méfies, même de Paul Van Adervelt, que tu ne connais pas vraiment, mon pauvre Louis. Oui, Clémence, pour mieux le connaître, je l'ai observé dans ses activités à la ferme, mais également dans son rôle de gardien des ondes. Je pense qu'il a une mission secrète de résistant. Comment en es-tu si sûr ? Eh bien, 3 fois par semaine, il s'isole dans le local technique de la grande antenne qui domine l'exploitation agricole, afin d'envoyer ou de recevoir des messages bizarres. Régulièrement, il reçoit la visite de 2 drôles de types qui viennent récupérer des documents. Comment sais-tu qu'il envoie des messages ? Il te l'a dit ? Non, Paul est une personne discrète et totalement muette sur ses activités nocturnes. J'ai tout simplement attendu qu'il s'absente hors de la ferme pour fouiller son local technique. Quel courage ! Tu n'as pas eu peur qu'il te surprenne ? Moi, je n'aurais jamais osé faire une chose pareille. Je ne m'amuse pas en faisant cela, Clémence. Je veux tout simplement connaître la vérité et surtout savoir pourquoi Paul Van Anderwelt a accepté de me cacher dans son habitation en prenant tant de risques pour moi. Tes interrogations sont totalement légitimes, Louis. C'est pour cela que j'ai pris un maximum de notes écrites sur ce que j'ai vu dans ce local, et particulièrement dans un gros carnet rouge qui était rangé au fond d'un tiroir. Si Paul est résistant, alors mon père doit certainement le connaître. Normalement, je ne dois pas en parler, mais lui aussi fait partie d'un réseau de partisans belges. C'est impossible que Paul et mon père ne se connaissent pas, alors qu'ils vivent à proximité l'un de l'autre. Et si tu montrais mes notes manuscrites à ton père, cela pourrait l'intéresser. Tu n'es pas fou, Louis, si mon père connaît les activités de Paul et qu'ils sont dans le même réseau de résistants. Tu risques de te prendre une raclée phénoménale pour avoir fouillé inutilement le local technique. Et si Paul n'est pas vraiment résistant, alors les documents que je vais te confier pourront vivement intéresser ton papa. Oui, si c'est le cas, alors mon père nous aidera à percer le mystère qui plane sur cette immense antenne radio. Avant de lui remettre ce document, finalement, de se prendre une réprimande monumentale pour avoir joué les petits espions, ce serait plus prudent que tu puisses vérifier s'il s'agit bien de Paul Van Anderwelt, que tu as connu quand tu étais gamine. Il faut assurer nos arrières avant d'agir bêtement et dans la précipitation. Oui, tu as entièrement raison. Prochainement, je m'approcherai de votre habitation afin d'essayer de le reconnaître. C'est parfait, Clémence. Si tu peux discrètement te cacher dans un bosquet longeant le champ de Paul, tu pourras alors l'observer attentivement, en train de labourer la terre avec son tracteur. C'est promis, Louis. Notre prochaine mission secrète est bien d'identifier Paul Van Anderwelt. Si ce n'est pas lui, alors j'en parlerai à mon père et lui remettrai tes documents, qui très certainement l'intéresseront. Merci, Clément, je compte sur toi. Tu as toute ma confiance dans cette mission. Par leurs multiples interrogations et les doutes qui subsistaient, Clémence et Louis s'étaient ainsi rapprochés en s'engageant dans une aventure dont ils ne connaissaient pas encore l'issue. Le lendemain, en fin d'après-midi, Clémence quitta rapidement l'Institut catholique Saint-Charles de Luynes, où elle était inscrite, et rejoignit en pleine campagne la colline de l'antenne qui dominait le paysage environnant. À l'horizon, elle aperçut l'engin agricole de Paul Van Anderwelt, qui était bien au rendez-vous, en plein travail des champs, comme Louis l'avait indiqué la veille. Elle s'engouffra au cœur d'un étroit bosquet d'aubépines et attendit patiemment que le tracteur passe à proximité d'elle. Son cœur battait à 100 à l'heure. Quelle ne fut pas sa surprise de voir aussitôt le conducteur de ce tracteur ne ressemblant aucunement à Paul Van Anderwelt. D'après ses souvenirs, ce dernier avait les traits du visage beaucoup plus fins. Il était petit de taille, avec une grande cicatrice sur la joue. Elle était formelle. Paul portait bien en permanence un bandeau couvrant son œil gauche, meurtri par un éclat d'obus allemand reçu dans une tranchée du côté d'Ypres, en 1916. Le fermier présent dans ce tracteur en pleine action était beaucoup plus grand et trapu, avec un visage rond et joufflu, sans aucune ancienne blessure de guerre. Clémence en était persuadée. Ce n'était pas Paul Van Anderwelt qui venait de passer devant elle. Mais alors de qui s'agissait-il exactement? Elle fut aussitôt prise de panique et attendit que l'engin agricole rejoigne la ferme. Elle devait absolument prévenir Louis le plus rapidement possible afin de lui annoncer cette nouvelle des plus alarmantes.